Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès Sifu édition anglo. Bonjour et bienvenue à l'édition anglophone des Palmarès C'est fou pour la semaine du 20 au 26 janvier 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme vous le savez, chaque semaine, on écoute un top 20 anglophone au grand complet dans cette émission-là. C'est vraiment très, très bon. Le numéro 1 de la semaine passée, on se rappelle, c'était Air avec So Light et The Footfall. Est-ce que c'est encore là? On va le savoir d'ici la fin de l'émission. Mais on va commencer par les deux nouvelles entrées de cette semaine. En 19e, il va y avoir OK Go avec This Too Shall Pass de leur nouvel album Of the Color of the Sky. Of the Blue Color of the Sky, oui. Mais commençons par la 20e position. C'est bien l'album Record in a Bag de, par la formation Colorado. La pièce s'appelle Juliette et c'est maintenant au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Photographs of lovers come and gone. I ask if it makes her sad. Says, son, you've got so much to learn. The love of life that you have kept. Smiling on your dying day. You got a grace, how about you can? Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts across some sandwiches and mentions how she don't mind dying. Tell stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We threw the dishes, then she says it's time for bed. The love of life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace, how about you, yeah? Smoking her last cigarette. We ate ice cream last night before she slept. No plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry. So here is drink, I drink to thee. The love of life that you have kept. Smiling on your dying day. You got a grace, how about you, yeah? Numéro 19, nouvelle entrée. OK, go away, This Too Shall Pass, nouvelle entrée en 19e place de leur nouvel album Of the Color. Colin, c'est difficile à dire à chaque fois. Of the Blue Color of the Sky. On l'a fait jouer plein de fois à Assemblage Requis, si vous vous en souvenez, si vous êtes à l'écoute de cette émission-là du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Et puis là, ben, c'est leur palmarès, donc on est très contents. Avant, en 20e place, c'était la formation Colorado et Juliette de leur album Record in a Bag. Ça, c'est nouveau. C'est le bloc de nouveautés. On va plonger donc dans les positions qui ne sont pas nouvelles, mais qui bougent un peu. Dans le prochain bloc, on va entendre Government Mule et Tegan and Sarah. On commence par l'excellente pièce Noisemaker. Ça descend de 7 places. Voici tout Hours Traffic. Au 89 FM, c'est fou! Government Mule et Broke Down on the Brazos ou Brazos en 16e position. Ça monte, c'est pas dur à dire. Ça vient de l'album By a Thread. Avant ça, c'était Tegan and Sarah avec Hell qui descend de 7. Et on a débuté avec Two Hours Traffic et Noisemaker. Ça descend de 7 places aussi. Dans le prochain bloc, Lake of Stew et Priestess, qui étaient nouvelles la semaine passée, mais on commence avec une pièce qui est là depuis 6 semaines, mais qui descend de la 8e place. C'est Shampoo. Voici Pete Yorn et Scarlett Johansson. Au 89.1 FM, vous écoutez l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. Retour Priestess et Lake of Stew dans les Palmarès C'est fou édition anglo. Numéro 14. numéro 13. Mama, The Lake of Stew, c'est en 13e position, ça monte de 5. C'était précédé de Priestess et It Baffles the Mind, ça monte de la 19e. Ces deux-là étaient les nouvelles entrées la semaine passée, en passant. Et on a débuté le bloc avec Pete Yorn et Scott Johansson avec Shampoo, ça descend de la 8e place et ça vient de leur album Break Up. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou. On va, en fait, très bientôt, même dans le prochain bloc, savoir que le numéro 1 n'est plus le numéro 1 du tout. Parce qu'on va l'entendre en 10e tout à l'heure, Air. Avant ça, il y a The Dojo Workhorse qui était nouveau la semaine passée. Même chose pour Alberta Cross qui va ouvrir le bloc. Voici Rise from the Shadows au 89.1 FM. C'est fou. pas menaçant du tout, ça. Je suis pas un gars très menaçant, en général. Yeah.

Harry, So Light Is Her Footfall, qui descend de la première place. C'est maintenant en 10e position. Avant ça, c'était The Dojo Workhorse et The Heartbreaker, ou en fait, You Heartbreaker, ça monte de 5 places. Et on a débuté le bloc avec Albert Across et Rise From The Shadows, ça monte de 3. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès, c'est fou. On vient d'entendre que Air n'est plus la première position, donc on va savoir d'ici la fin de l'émission. Je pense qu'on a un petit peu dépassé la moitié de l'émission. On va savoir qui est là. C'est la fin. Alors, prochain bloc, Devil's Hot Rod et We Are Wolves, mais on commence avec Alice in Chains. Elle est stable. Voici Your Decision au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Time to change has come and gone. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision. Your decision. Au retour, We Are Wolves, Devils Are Trod et You Say Party, We Say Die. C'est l'édition anglo des Palmarès, c'est fou! Numéro 8. Numéro 7. Well, money, well, Devil's Hot Rod. Et Wild Wild Mummy, stable en 7e position, c'est leur album Dirty Rocks for Broken Hearts. Avant ça, c'était We Are Wolves et Walking Commotion qui montent la 14e place. C'était nouveau la semaine dernière. Et on a débuté le bloc avec Alice in Chains avec Your Decision. Ça, c'est stable. Leur album Black Gives Way to Blue. Vous êtes dans l'édition anglophone des Palmarès C'est Fou. Il nous reste 6 positions à entendre et on sait déjà que Air n'est plus au sommet. Donc, il faut rester avec nous pour savoir qu'est-ce qui est rendu en haut de ça, ce beau petit palmarès-là. Prochain bloc, Hot Little Rocket. Suivra cette pièce qu'on s'en va entendre tout de suite là, hein? Genre tout de suite là. En 6e position stable, voici You Say Party, We Say Die et Glory. Au 89 FM, c'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Monster Party! Hot Little Rocket et Volcano, position numéro 5. Ça monte de la 17e place. Et avant, c'était You Say Party, We Say Die avec Glory. En passant, Hot Little Rocket, c'était nouveau la semaine passée, donc ça a franchi une bonne grosse partie du palmarès cette semaine. Prochain bloc, aussi de deux pièces. Il va y avoir Bed of Skulls tantôt avec I Know What I Am. Mais commençons avec Jet. Voici She's a Genius au 89 FM. C'est fou! See? Band of Skulls, I Know What I Am. Troisième position, ça monte d'une place. Ça fait 6 semaines que c'est là. Et c'est leur album Baby Darling, Dollface Honey. Et juste avant, c'était She's a Genius par Jet. Ça monte d'une place. Ça fait l'album Shaka Rock. Tiens, un petit bloc hein, pour presque terminer l'émission parce que le numéro 1 s'en vient dans à peine quelques instants. Il nous reste une seule entrée pièce à écouter. C'est The Job en deuxième. Voici Soon. The Job et Soon en deuxième position, ça monte d'une place. C'est déjà pas mal le temps d'écouter notre numéro 1. Hein, vous savez, au sommet de tout palmarès, il y a un numéro 1. Et au sommet de tout top fin de palmarès, il y a moi qui fais des jeux de mots poche. Fait que ça va un petit peu ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je dirais que c'est presque le temps d'y aller. C'est presque le temps de finir le palmarès. C'est pas moi qui décide, ça vient d'en haut. Ce n'est pas entre mes mains. Et en première position... I'm not a C'était le grand numéro 1 du palmarès anglophone de C'est fou cette semaine. En troisième position, tantôt, on avait entendu Band of Scars avec I Know What I Am qui monte d'une place. En deuxième, c'est The Job qui monte aussi d'une place avec Soon. Et le numéro 1 est Eddie Almost avec Hans qui monte d'une place. Ça va être l'album Monster Monster. C'est la fin de l'édition anglophone des palmarès C'est fou pour la semaine du 20 au 26 janvier 2010. Les auditeurs du vendredi nous quittent, mais plongent directement dans la version francophone de l'émission. Ça s'en vient juste là, juste à patienter un tout petit instant. Nous, le mercredi, hein, parce qu'on est en direct les mercredis et jeudis entre 13h et 15h, eh bien, on va plonger, nous, dans le top électronique. Il va y avoir plein de bonnes choses. On va aussi sûrement entendre du top 30 des CD. Alors, restez avec nous! Et bon, c'est la suite des palmarès, c'est fou, hein? Et la suite qu'on pourrait dire additionnelle à valeur ajoutée, 100% plus de pulpe. Oui. Dans cette version suite des palmarès, on plonge toujours dans le top 30 des CD, dans le top 3 des tickets canadiens, dans le top 10 sales, des top 10 électroniques. Et le mercredi, on a tendance à écouter du top 10 électronique. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est le meilleur. Pas vrai du tout. C'est le meilleur, en tout cas. Bref, je voulais pas insulter le top 10 loud. Hein? Il y a des gens qui aiment ça. Donc, dans le top 10 électronique, on retrouve trois nouvelles entrées. En 10e, Christian Loeffler avec Raise EP. En 9e, il y a Beroshima avec Trip to Asia EP. Et en 7e place, on retrouve Alexander Kowalski. Ça, c'est un joueur de hockey, je pense. C'est Kowalski, celui-là. In the Heat of the Night est le nom de son album. Nous, on va, comme toujours, écouter le top 3. Commençons par la 3e position, hein, la plus logique, je dirais. Le maxi s'appelle Last Quarter of the 20th Century Blues. L'artiste est Belle Fleur. Et l'extrait qu'on s'en va entendre à l'instant s'appelle Shooting an Elephant. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89 FM. I'm one by one, and on they go in the sea of snow. Mother, mother, mother, mother, icy, icy cold, swing like crystal bells, hear them clearly call, and I can tell it's a magic spell. Mother, mother, mother, mother, I would sing along if I had a tongue, but I'd never walk into the wrong, have to help the wrong. Mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, mother, la position numéro 2 du top 10 électronique, c'est l'album Eggs de la formation Oh No, Oh No, et ça c'est stable. Avant, on a entendu Bellflower et Last Quarter of the 20th Century Blues, ça c'est le nom du maxi, et la pièce qu'on a entendue, elle, elle avait un autre nom que ça, ce n'était pas ça du tout, c'était la pièce, quand même, j'ai la misère, oui, Shooting an Elephant qu'on a entendu de Bellflower au début du bloc, voilà. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. On se tape le top 3 électronique en ce moment. Il nous reste seulement la première position. Elle est stable. L'album s'appelle Fever Ray Deluxe Edition. L'artiste est aussi Fever Ray. On va l'entendre à la pièce 7 tout de suite au 89.fm. C'est fou, ça valait même pas la peine de mettre le fond pour ça. Ouais. Des fois, je pourrais ne pas mettre de fond. Mais bon. Transparence ici. Excellent. Surtout 89.fm, c'est fou. La pièce 7 de la formation Fever Ray, ça vient de leur album Fever Ray Deluxe Edition qui est en première position du palmarès électronique. Avant ça, en deuxième position, rappelons-le, c'était Oh No, Oh No avec l'album Eggs. Et en troisième, c'est Belfleur avec le mini Last Quarter of the 20th Century Blues. Voilà qui fait le tour du top 10 électronique. Top 10 électronique que vous pouvez entendre. Vous pouvez, oui, l'entendre tous les samedis soirs à partir de 21h dans l'émission Le Vestibule. Soyez-y. Maintenant, on a presque terminé les palmarès assez fous pour aujourd'hui. On va continuer avec la version francophone demain entre 13h et 15h. Mais avant de se quitter, on va parler un petit peu du top 30 des CD. Il y a deux nouvelles entrées, c'est ce qu'on va entendre. On va commencer par la 20e position, Colorado. L'album s'appelle Record in a Bag. On va se quitter avec la pièce Americanorama. Americanorama, je pense qu'on pourrait dire comme ça. Suivra la position numéro 19, qui est aussi nouvelle, OK Go avec Of the Blue Color of the Sky. C'est le nom de l'album. On va se quitter avec la pièce Skyscrapers. Ces deux albums-là qu'on a entendu aussi au début de l'émission en position 20 et 19 du top 20 anglophone. Donc, on se tape quelques pièces additionnelles de ça. Et puis, on va se retrouver juste après pour Assemblage Requis. Alors, restez avec nous. It's pretty bad.